disant, j'entends tes pleurs dans ce dortoir de lit de camp, et nous tous en rang. Je te demande à genoux, pardon pour tous ces mauvais coups, les draps de ronces et les espions dans les avions à réaction. Je te revois, vieille dent, dans tes habits deux fois trop grands. Il émanait de ton aspect un quelque chose de suranné. Mais ce prénom, nom de Dieu, celui qu'avait choisi tes vieux, on n'aurait pas pu trouver mieux pour t'exposer à nos tourments. Pardon pour tous ces mauvais coups, des draps de ronces et les espions dans les avions.